j'ai fait le point et fait non, où j'ai fait le point et fait sur la tête. Bienvenue pour cette émission spéciale du milieu de A à Z, la numéro 550. Et ce soir, on va parler des fameux archives live. Mais je ne sais pas ce pour en parler car ces produits vont sortir après-demain, vendredi le 30 août. Et on vous propose, Marcel va proposer une très très belle surprise. Et ce soir, en exclusivité, on va vous présenter également une surprise. Et je ne serai pas seul, j'ai avec moi Jean-François Jouy. Bonsoir Jean-François. Bonsoir Eric. Bonsoir à tous les auditeurs. Oui, je suis en pleine forme. Très content de passer cette heure avec toi et de présenter ces archives qui sortent enfin. Donc, on va avoir les émoutes du datant du 2 février 1985 et celle de la fête de l'humanité datant du 15 septembre 1985. Absolument. Voilà. Deux belles archives qu'on est ravis de proposer à tous les auditeurs ce soir. Voilà. Et tout ça pendant deux heures au moment où on va écouter des larges extraits de ces deux concerts-là. La moitié, là, cette fois-ci, parce que la dernière fois, on a fait écouter des extraits. Oui, mais ça, c'est pas. J'espère que vous avez tous commandé votre album, vous allez l'acheter d'ici vendredi. Il faut espérer, ça. Mais parce que là, c'est vraiment deux beaux premiers. Et puis, rappelez qu'il y a le 45 tours qui est disponible, il reste 500. Moins de 100 sur les 500 qui étaient prévus à la base. J'utilise ça sur le site Marchand. On va commencer tout de suite à écouter Jenna Hidée au Zénith le 2 février 1985 avec évidemment l'introduction et la chanson d'ouverture qui est pour un cœur. Est-ce qu'il y a quelque chose avant de lancer la musique, est-ce qu'il y a quelque chose à dire justement sur ce spectacle, sur la première par exemple? Il y a tellement de choses à dire sur ce spectacle magnifique qui a duré très longtemps, il y a eu plein de plein de choses qui sont passées durant les trois mois même. Et la première a été annulée. Parce que ça ne démarrait pas très bien, elle a été annulée à cause d'une grève des moyens de transport, de l'électricité et des moyens de transport. Donc, ça a démarré jeudi 25 et ça a démarré le lendemain. C'est fonctionnaire. Donc, c'était un spectacle qui débutait dans des conditions un peu particulières. Mais voilà, on verra tout au long des soirées. Bien sûr, ce qui s'est passé pendant ces trois mois de Zénith. On ne fait plus attendre, alors on a plein d'anecdotes à vous raconter. Et on commence aussi une finalité, l'introduction et la chanson pour un cœur. Bon, écoutez tout à tous. Nous sommes ensemble pendant deux heures. Deux heures de Zénith en plein minute. Thank you.

Thank you. c'est que le spectacle est là, mais il n'a pas été sur le conditionnement. C'est pas toujours été là. Le spectacle est là. Aujourd'hui, il n'y a pas de personne du tout. Et le 9 janvier, le matin, j'écoute tout le monde en radio. Et qu'est-ce que j'entends très exactement, c'est que la veille du soir, donc pour le moment, quelqu'un m'a dit, c'est des frais sur sa main, c'est quoi. Et donc, elle peut arrêter son spectacle et qu'est-ce qu'elle dit. Et donc, effectivement, c'est le spectacle est interrompu. Alors, comme on a annoncé au moment où on devait reprendre le 8 janvier, Ça sortira le 30 août parce que les bons disques avec tout ça. Thank you. Thank you. le concert de la Lune avec le petit suivi de Camille Mozart, qui est rentré dans la merci et qui est entre le tour et la semaine de la première de ce moment.

Thank you. Thank you.